Le son est good, no man, tu le kiffes. Elle one clang et dans les games, no man, tu perds tes bifs. Le cheese, bean, le crack, puis notre couleur rouge vif. Rouge victory, elle one clang, tu le kiffes. Elle one clang, elle one clang, elle one clang. Musique, c'est le bang. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, imposant, prends la place. Les négros d'état de décibels, notre musique sans la classe. Elle one clang, elle one clang, elle one clang. Musique, c'est le bang. Pas de qui tu goûtes attitude, L1 clan, la big magnitude. Big baby, jeune, like you want little deep. On a trop de style, on est trop de speed. On fait le taf, carré les obstacles, on est skill. C'est L1